Contes et légendes de Basse-Bretagne. Le testament du recteur par Ernest du Laurence de la Barre. Il y avait jadis, au bourg de Baden, un vieux recteur qui durait trop, apparemment, au gré de ses héritiers. C'étaient trois cousins à la mode de Bretagne. Gur, l'aîné et le plus avare des trois, venait deux fois l'an de Pont-Scorff, où il demeurait, à Baden, pour juger par lui-même de l'état du recteur. Vous pensez bien que le bonhomme ne voyait pas avec plaisir son avide cousin fouiller dans tous les coins du presbytère et faire d'avance l'inventaire de son pauvre mobilier. School, le second cousin, ne valait guère mieux. Si bien que le recteur, devinant à qui son âme aurait affaire après sa mort pour obtenir des prières, et trompé d'ailleurs par quelques marques d'amitié que lui témoignait Hervis, le plus jeune de ses héritiers, résolut de donner tout son bien à celui-ci, qui demeurait à l'Armor Baden. Il fit donc son testament de la sorte et le confia à Hervis en le priant d'employer la moitié de son petit héritage tant à faire chanter des messes pour le repos de son âme qu'au soulagement des pauvres de la paroisse. Le cousin promit et le vieux prêtre mourut peu de temps après. Gur et School arrivèrent bien vite au presbytère. Mais l'autre, armé du testament qui était en bonne forme, ne se gêna point pour les mettre à la porte. Il y eut bataille, à ce qu'on assure, entre les trois coquins. Hervis y perdit même un œil, mais il garda tout le bien du recteur, et pour compenser l'œil qu'il n'avait plus, il jugea à propos de supprimer les messes qu'il avait promises et les aumônes qu'il devait aux pauvres. Un soir que Jeanne, la fille d'Hervis, ramenait au village ses bestiaux qu'elle avait gardés tout le jour sur les landes de Locmiquel, tout à coup elle vit un prêtre se lever derrière un grand menhir, s'avancer entre elle et son troupeau et lui faire rebrousser chemin. Alors cet étrange patour, dont la longue soutane noire flottait au vent, conduisit les bêtes à la mer, où elles se mirent à la nage et marcha sur les lames à leur suite. L'enfant revint seul et tout effrayé à la maison, elle raconta en tremblant son aventure à son père, qui sortit furieux de chez lui, et courut toute la nuit sur les landes, où il ne put retrouver ni bœuf ni vache. Le jour suivant, Hervis le Borgne apprit qu'il y avait dans l'île de Groawinis des bestiaux dont on ne connaissait pas l'appartenance. Il se rendit aussitôt sur les lieux, et après avoir rassemblé son troupeau, car c'était effectivement le sien, c'est-à-dire celui qu'il tenait du défunt recteur, il l'embarqua dans une grande chaloupe et le ramena sain et sauf à l'Armor Baden. Là, il enferma les animaux dans l'écurie en se promettant bien de ne pas les perdre de vue de toute l'année pour le moins. Peine inutile, car le lendemain matin, l'étable était vide. Le troupeau avait disparu, et bientôt un pêcheur, qui revenait de la côte, dit à Hervis qu'il avait vu la veille sur le tard passer le long de la grève une file de vaches et de grands bœufs, conduits par un berger tout habillé de noir. Le borgne but une chopine de vin de feu pour s'étourdir, puis, supposant que ces bêtes étaient encore à Groawinis, quoique le temps fût mauvais et la mer grosse, il voulut partir à l'instant. Or, comme il approchait du rivage, des marins lui dirent que les vagues rejetaient à la côte les corps de plusieurs animaux. Hervis descendit au bord de la mer et reconnut avec rage et terreur ses vaches, ses chèvres et ses bœufs, tous noyés. Il aurait dû se souvenir alors du testament du recteur de Baden et de ce qu'il lui avait promis. Malheureusement, il n'en fut rien. Il se dit, au contraire, qu'avec l'argent des messes et le montant des aumônes, il pourrait acheter 4 bœufs et autant de vaches laitières à la première foire de Vannes. En attendant, il mit ses écus dans un vieux pot de terre, et par une nuit bien sombre, il enterra son trésor dans le courtil au pied d'un pommier. Mais le mauvais chrétien n'eut pas le temps de réaliser les rêves de son avarice, car il mourut tout d'un coup à quelques jours de là dans un accès de colère et d'ivresse. Il y a des marins de la petite mer qui assurent que l'on voit quelquefois, entre l'île aux moines et Locmariaker, un berger en soutane noire conduisant un troupeau nombreux sur la mer. C'est, disent-ils, le vieux recteur de Baden dont l'âme est en peine faute de messes et de prières. D'autres, encore plus crédules, ont vu la nuit, à ce qu'ils prétendent, dans le courtil d'Hervis à l'Armor, un trépassé creusant la terre pour découvrir le trésor caché. Ici se termine le testament du recteur, enregistré par Christiane Johann.